Il y a bien longtemps, et très loin d'ici, dans un monde enchanté, au-delà des mers, vivaient des rois et des reines, des princes et des princesses, de bonnes fées et de méchantes sorcières, de féroces géants et de gentils nains. Ouvre ton album, écoute bien et rejoins toi aussi le monde magique d'Il était une fois. Dès que tu entends, tourne la page. Les habits neufs de l'empereur. Il était une fois un empereur si coquet qu'il achetait chaque jour de nouveaux habits. Il ne s'intéressait ni aux soldats, ni au peuple, ni aux affaires de l'État. Lorsqu'on demandait à ses laquais « Que fait l'empereur aujourd'hui ?», il répondait invariablement « Vous devriez vous en douter, il essaie de nouveaux habits ». Un jour, deux menteurs arrivèrent en ville bien décidés à s'enrichir. Ils se firent passer pour des tisserands et se vantèrent à tous les coins de rue de tisser les tissus les plus fins et les plus extravagants. « Notre tissu le plus extraordinaire, affirmait-il aux braves gens, ne peut plaire qu'aux personnes intelligentes car il est invisible aux yeux des sots. » Qu'est-ce que c'est que cette histoire? A-t-on inventé une nouvelle matière que seuls les gens intelligents peuvent voir? Les commerces s'empressent de rapporter ces étranges paroles, les commerçants en parlent à leurs clients, et la chose arrive bien évidemment aux oreilles de l'empereur qui se dit « Oh, quel bel habit je pourrais avoir avec un tel tissu! Un habit qui me serait fort utile, puisqu'en le portant je saurais aussitôt qui est sot ou intelligent. » L'empereur convoque sur l'heure les faux tisserands dans la salle du trône en présence de son grand trésorier. Ils saluent très bas, puis commencent à vanter les innombrables qualités de leur tissu extraordinaire et bien entendu très cher. « Je veux des habits taillés dans cette étoffe, » dit l'empereur. Puis s'adressant à son trésorier, « Trésorier, donne tout l'or qu'il demande à ces messieurs. » Les faux tisserands achètent un immense métier à tisser et se mettent au travail. Enfin, façon de parler, car de tissu, il n'y en a jamais eu. Ils prennent des airs importants, font semblant de travailler toute la journée, mais en réalité, ils font courir leurs mains sur des métiers vides du soir au matin. Pendant ce temps, ils demandent régulièrement de l'or, et l'empereur leur en fait porter par coffres entiers. Au bout de 3 semaines, impatient de voir arriver l'étoffe, l'empereur envoie son conseiller chez les deux tisserands. Approchez, monsieur le conseiller, regardez cette belle étoffe. Dites-nous, avez-vous déjà vu pareille légèreté? Demandent les deux coquins. Le brave homme écartille les yeux et s'affole, car il ne voit pas de tissu sur le métier. Regardez ce splendide dessin et ces belles couleurs, insistent les deux tisserands. Vous qui êtes un homme intelligent, vous ne pouvez manquer de les voir. L'étoffe est effectivement extraordinaire, répond le conseiller mort de peur de passer pour un sot. Et il s'en va de ce pas d'écrire à l'empereur le splendide dessin et les belles couleurs de l'habit que les deux tisserands sont en train de tisser. Dès le lendemain, les faux tisserands redemandent de l'or, encore de l'or, et l'empereur leur en envoie de plein coffre. Puis ils recommencent à faire semblant de faire courir leurs mains sur le métier du soir au matin. 3 jours plus tard, ils reçoivent la visite du premier ministre. Le pauvre homme est encore plus affolé que le conseiller de ne rien voir sur le métier. « C'est incroyable !» se dit-il. « Moi, le premier ministre, je ne vois rien de rien. Si je le raconte à l'empereur, il dira que je suis un sot et un incapable, et je perdrai mon emploi. » En réalité, ce qui fait surtout enrager le ministre, c'est que le conseiller a déclaré qu'il avait vu l'étoffe. Pour ne pas paraître plus sot que lui, le ministre s'en retourne chez l'empereur et lui décrit, comme s'il l'avait vraiment vu, le splendide dessin et les belles couleurs de son prochain habit. Dans toute la ville, on ne parle décidément plus que du tissu magnifique. N'y tenant plus, l'empereur décide d'aller l'admirer. Il s'entoure de ses courtisans et part chez les tisserands, son conseiller et son premier ministre en tête du cortège. Dès qu'il pénètre dans l'atelier, les deux coquins s'empressent de parler haut et fort. Approchez, messeigneurs, notre travail est presque terminé. Entrez donc, vous serez les premiers à pouvoir l'admirer. Les courtisans écartillent les yeux, lancent un regard désespéré au ministre et au conseiller, mais comme ceux-ci ne disent mot, après un long moment d'effroi, tout s'écrit en cœur. Oh, le splendide dessin! Les belles couleurs! Suis-je donc le seul sot de cette assemblée? Taisons-nous, surtout taisons-nous, se dit l'empereur. Il reste donc immobile et majestueux, la couronne sur la tête et le sceptre à la main. Alors, votre majesté, que pensez-vous de cette étoffe? Vous aurez vif plaisir à la porter. Approchez-vous, admirez quelle légèreté. Il n'est point nécessaire que je m'approche, déclare finalement l'empereur d'une voix forte. Ce tissu, c'est clair, mérite mon impériale approbation. Les courtisans approuvent de la tête en s'observant mutuellement. Croyant que tout le monde voit ce tissu qui en réalité n'existe pas, chacun fait semblant de le voir pour cacher sa sottise. Maintenant, retourne la cassette. De retour au palais, les conseillers de l'empereur proposent qu'un habit soit taillé dans le nouveau tissu à l'occasion du cortège annuel de la cour. L'empereur accepte, décore les deux menteurs du grand cordon de l'ordre du ruban et les nomme grands tisserands de l'empire. La veille du cortège, les menteurs décorés font semblant de couper, de coudre et d'apprêter le costume de l'empereur. Ils laissent des bougies brûler toute la nuit et font des bruits de ciseaux en criant « Passe-moi donc le fil d'or !»« Mais attends, j'achève la doublure !»« Fistre, où sont encore passés les ciseaux ?» Ils font tellement de bruit que les voisins n'arrivent pas à fermer l'œil de la nuit. Et la rumeur se répand dans la ville que l'habit est absolument magnifique. Le matin, les deux tisserands font semblant de retirer les dernières épingles, de donner un dernier coup de fer, puis ils déclarent fièrement « Les habits neufs de l'empereur sont prêts !» Lorsque l'empereur arrive, les faux tisserands tiennent les mains en l'air comme s'ils présentaient des habits. « Voici le pantalon de sa majesté, » dit le premier. « La chemise de sa majesté, » dit le second. « L'habit brodé de sa majesté, » disent-ils tous deux en faisant semblant de lui mettre sur le dos. L'empereur fait semblant d'endosser ses habits. Les menteurs le font tourner, ajustent un pli ici et là. Ce tissu est d'une légèreté extraordinaire, n'est-ce pas, sire? Vous verrez, majesté, un tel habit ne se sent pas. Effectivement, l'empereur se sent tout léger. Ce qui le gêne, c'est de se voir en caleçon long dans le miroir. Mais les faux tisserands continuent à s'empresser autour de lui et finalement s'exclament. Sa majesté a grande allure dans son nouvel habit. Il semble si sincère que tout le monde applaudit et les courtisans de surenchérir. Oh, le splendide dessin! Oh, les belles couleurs qu'a le nouvel habit de notre empereur! Ne sachant plus que faire, l'empereur fait semblant de s'admirer dans le miroir. Il essaye de deviner qui, dans l'assistance, ne voit pas ses habits. Mais non, Apparemment, tout le monde admire cet habit que lui, l'empereur, ne voit pas. Le cortège de la cour est annoncé. Aussi nu que son caniche, l'empereur prend son air le plus majestueux et sort vêtu de son caleçon long. Toute la cour s'incline et chacun fait semblant de voir un habit à la place d'un caleçon. Même les petits pages ont compris le jeu et font semblant de soulever les bords d'un long manteau. Le cortège commence. Le peuple est aux fenêtres et dans la rue, impatient de découvrir les fameux habits de l'empereur. Les gens crient « Vive l'empereur ! Comme il est élégant ! Quels beaux habits !» Et chacun d'ajouter quelque chose pour bien montrer qu'il est intelligent. « Tu as vu ces broderies ? Comme la fourrure est bien choisie ! Et la couleur du pantalon ! Quelle prestance !» Bien vite, chacun est au courant et les bruits les plus divers circulent. Sur la couleur du pantalon, par exemple. Elle est vert pistache pour les uns, rouge framboise pour les autres, ou encore panachée comme un cornet de crème glacée. Quand subitement, un petit enfant crie à son père. « Papa, papa, le monsieur, il est tout nu !» Le père rougit et dit tout bas. Tais-toi ! Mais tout le monde s'est retourné et l'enfant insiste. Papa, papa, pourquoi le monsieur, il est en caleçon ? Les gens chuchotent. Qu'a-t-il dit ? Tu as entendu ? L'enfant dit que l'empereur est tout nu. La nouvelle se répand très vite et les gens disent de plus en plus haut que l'empereur est en caleçon. Naturellement, il finit par l'entendre et commence à comprendre l'horreur de sa situation. Il continue néanmoins à marcher, en tête du cortège, l'air aussi majestueux que possible, mais en pressant le pas. Réalisant que sa coquetterie l'avait entraîné dans une mésaventure ridicule, savez-vous ce que l'empereur fit ? Il décida de ne plus s'intéresser autant aux habits et de s'occuper un peu plus de ses soldats, de son peuple et des affaires de l'État. Il envoya son commissaire arrêter les deux bandits. Mais ils s'étaient déjà enfuis. Et lorsque le commissaire arriva, les deux coquins étaient déjà très, très loin. N'oublie pas ton prochain rendez-vous avec Il était une fois. Tu découvriras l'histoire extraordinaire de Jack et le haricot.